Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1 que l'on capte aussi sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin au microphone, un plaisir ce dimanche de vous retrouver en compagnie d'une artiste sonore qui est aussi une passionnée de musique et de radiophonie. J'accueille ce soir en entretien Andrea Jane Cornell, une artiste et une performeuse qui aime se décrire comme une glaneuse de sonorité musicale, certes, mais aussi glaneuse de bruit de la ville, tout autant que les sons mystérieux que nous retransmettent les radios à ondes courtes. On dit qu'elle se délecte des sonorités présentes dans un environnement donné, sonorité qu'elle compare à un assemblage d'instruments musicaux orchestrés par ceux et celles qui l'habitent. Eh bien, c'est assez intéressant comme idée, comme point de vue. Andrea Jane Cornell a réalisé de nombreux projets de création pour la radio. Improvisatrice, elle fabrique des assemblages aléatoires de sons qu'elle enregistre ici et là. Bruit de pièces métalliques, vacarme de chemin de fer, voix et chants de la cité, vous allez entendre. Elle raconte qu'elle est en quête de la sonorité ultime, le charawaji, l'atteinte du sublime sur les plans sonores, la plénitude acoustique. Franchement, belle quête. Alors, elle va nous en parler. Andrea Jane a passé plusieurs années à la direction de la programmation de CKUT-FM à Montréal. Ça explique comment le studio de radiodiffusion est devenu, pour elle, un laboratoire assez exceptionnel pour l'expérimentation. Et aussi, on va le voir, les collaborations. Alors voilà, on écoute cet entretien que m'accordait Andrea Jane Cornell il y a quelques semaines. Andrea Jane Cornell, bienvenue à l'émission. Très heureux de te rencontrer ce matin. Très heureuse d'être ici. Andrea Jane, c'est ma question traditionnelle, les gens le savent. Comment ça surgit dans ton parcours de vie, d'une part, que la musique qui va t'environner, mais par la suite, cette passion, cet intérêt pour la création sonore, l'expérimentation, comment ça apparaît? Je pense que ça devient assez rapidement une présence dans ma vie du moment où j'étais très jeune et notre système de son dans notre salon à Sainte-Julienne avait un micro branché. Et en famille, on s'amusait à s'enregistrer, à chanter des chansons, à enregistrer des trucs dans la pièce, etc. Par après, mon père, quand j'avais peut-être 10 ans, il m'avait trouvé un vieux magnéto reel-to-reel à bobine. J'ai joué avec jusqu'à temps qu'elle brise. C'était très amusant. J'enregistrais n'importe quoi, plutôt la voix que d'autres choses. Et j'ai toujours voulu faire de la musique, mais j'ai jamais vraiment eu accès de manière consistante. Alors, c'est pas devenu dans mon parcours jusqu'à temps que je rentre à l'université. À Concordia, j'ai étudié en communication et il y avait un volet son que j'ai entré dedans, je suis sortie et il y avait des cours qui parlaient de son. J'ai étudié avec Andra McCartney, Une prof qui enseignait à Concordia et qui m'a un peu initiée au World Soundscape Project et à l'écoute. Juste comme un mode d'exploration, d'écouter, d'être ouverte à ce qui est possiblement musical en tout moment et aussi comment lire ton environnement à travers le son. Je trouvais ça génial. Oh, j'ai vu qu'il y avait des cours en électroacoustique dans le département de musique qui étaient accessibles. Alors, je me suis mis à faire un peu de l'électroacoustique. C'était pas, c'était vraiment dans l'école acousmatique qui était intéressant, mais qui venait pas vraiment me chercher. Alors, je faisais plutôt des soundscapes, des enregistrements environnementaux et du mixage. Et moins des trucs, effacer la source et faire des gros mouvements. Et c'est un peu comme ça que j'ai embarqué dans la sauce. Et quand c'est venu le temps de faire une maîtrise, je me suis concentrée sur le son. L'idée de faire de la recherche sur des lieux à travers le son et de réinterpréter les environnements sonores en utilisant des sonorités glanées dans un lieu spécifique. Et de là, ben, je suis tombée, après, il fallait trouver un emploi, même si j'étais encore à la maîtrise, et j'ai commencé à travailler à CKUT, la radio CKUT à Montréal. Au fait, un peu avant, j'ai commencé à animer une émission qui s'appelait Where's the Beat? Et c'était une émission électroacoustique. Ça m'a initiée à la station de radio. Ils avaient besoin de quelqu'un. J'ai embarqué là. Voilà. C'est ça. Oui, Andrea, je t'arrête parce qu'on va parler. On va y revenir à cet épisode marquant de la radio parce que oui. Je suis d'autant plus intéressé de te rencontrer aujourd'hui parce que tu as cette expérience, cette passion pour la radiophonie. Oui. Mais on va revenir sur le terrain des sonorités et puis on va écouter une première œuvre, un travail, un projet qui date de 2005. C'est une étude du paysage sonore d'un quartier résidentiel urbain à Montréal. C'est un travail qui s'intitule « J'apprivoise la rue Saint-André ». On va écouter un extrait parce que c'est une pièce qui est un peu longue. Et puis, on revient ensemble pour poursuivre notre conversation. Andrea Jane, quand on parcourt ton curriculum, qu'on regarde tes albums, il y a tout de même là, cette idée que tu glanes évidemment des sonorités sur le terrain, attentive aux sonorités, tout ça, mais très rapidement, on souligne le fait que tu es en quête du Sharawadi. C'est un peu comme le Graal sonore. Et ça, là-dessus, je voulais t'entendre là-dessus parce qu'il y a un côté un peu spirituel dans ta démarche. Et je voulais t'entendre ce matin sur ça. Ben, c'est venu du projet, effectivement, d'enregistrer la rue Saint-André où j'habitais pendant très, très, très longtemps. Et un soir, je me promenais avec mon petit micro et mon mini-disque la nuit. Il neigeait et j'ai entendu un son un peu spirituel, magnifique, beaucoup d'harmonique, mais je ne comprenais rien. C'est quoi ce son? Je me suis arrêtée, j'ai enregistré et oh, pouf, c'était parti. Mais vraiment un moment absolument magique qui était vraiment devenu un anchor dans mon parcours. Et en réécoutant dans un programme audio, j'ai pu manipuler et comprendre que effectivement c'était le son du chemin de fer filtré à travers des quartiers jusqu'à où j'étais. Puis qui est devenu vraiment musical, mais à la source, c'est un grincement aigu, intense, qui fait mal quand on est à côté et quand on est de loin. Ben, c'est filtré, c'est beau, c'est magnifique, ça nous enlève un peu de où qu'on est, puis on va un peu vivre le sublime dans l'audio. Et c'était quelque chose qui m'a vraiment marqué que d'un moment à l'autre, le son a le pouvoir de nous enlever de notre environnement, de nous bouleverser parce que, effectivement, je m'en attends pas à entendre des harmoniques de cette qualité dans la ville, dans le paysage sonore urbain. Je m'attends à entendre les trucs pas mal typiques, le drone du moteur et tout ça. Et c'est venu couper mes attentes, mes préjugés, disons, sur le son de la ville urbaine. Et c'est venu vraiment je voulais tracer je voulais trouver le fil de cet effet sonore dont Claude Schreier en a parlé dans un texte et dont Henri Torgue et François Augoyard, des Français, en parlent dans un texte des effets sonores. Et vraiment, j'ai tenu sur ce Sharawadi pendant un bon moment de mon parcours. Et au fait, je le cherche toujours. C'est très intéressant comme concept. Moi, c'était la première fois que j'en prenais connaissance et ça m'a tout de suite intrigué. Et dans cette veine-là, Andrea Jane, on va écouter une pièce cette fois. C'est un extrait tiré d'un projet intitulé Tracing de Sharawadi. C'est paru en 2010. C'est une longue pièce, ça dure 33 minutes, mais on va présenter un extrait. Alors, on écoute ça. Extrait de Tracing de Sharawadi. Thank you. Andrea Jane, il y a cette expérience dont tu as commencé à nous parler tout à l'heure, qui est cette embauche à CKUT Radio, la radio FM, c'est la radio universitaire de l'Université McGill, tout ça. Bon, on ne pouvait pas passer à côté de cette question de la radiophonie avec toi. Qu'est-ce que ça signifie pour toi que ce travail dans le monde de la radio? Bon, à cette époque, certes, mais encore aujourd'hui, compte tenu des nouvelles formes de communication, tout ça, quel regard tu jettes là-dessus? Comment ça t'a alimenté? Qu'est-ce qui t'a passionné dans ce travail? Mais vraiment, ça m'a plongée dans le bain de la radio communautaire, la radio universitaire et la liberté absolue des producteurs, des animateurs, des gens qui font rouler la station, d'utiliser les ondes comme un lieu d'expérimentation. Et bon, on écoute la radio, la plupart des postes sur le FM, sur le AM, c'est la formule, les pubs et tout ça. Et là, tout à coup, tu tombes où la formule n'est plus vraiment là. Et oui, bien sûr, il y a des règles à suivre, mais on peut vraiment utiliser des ondes pour explorer le matériel sonore, que ça soit de la musique, que ça soit de l'impro, que ça soit de la production de programmes culturels. C'était vraiment axé de... Il y avait comment dire... On poussait les gens et on se poussait de vraiment pousser l'enveloppe de ce qu'on pouvait faire à la radio et de se sentir libre de faire des explorations, de trébucher, d'apprendre et de continuer, mais vraiment de faire de l'expérimentation. Et c'est ça qui est venu de mon temps. J'ai travaillé là pendant, je sais pas, 6 ou 7 ans. Et j'ai continué à être bénévole. Au fait, je passe à Montréal au mois de février et je vais faire une émission. Mais c'était que j'ai éventuellement utilisé les temps libres, les vides, comme un lieu d'exploration et un lieu où j'ai pu développer ma méthode de faire du son, de improvise. Tu en as profité pour improviser, pour approfondir aussi le potentiel de ce médium-là, qui est un médium tout de même mystérieux, parce que bon, on parle dans le micro, on crée des sonorités, oui. Elles partent dans les ondes, les auditeurs nous sont inconnus. Andrea Jane, on va écouter un extrait de travail que tu as réalisé à la radio. Tu en as fait plusieurs, le choix n'était pas facile. On va écouter un extrait sonore. C'est tiré d'un travail intitulé Private Telephone 1982. C'est une pièce qui est réalisée en 2012. C'est une très belle pièce et puis on en écoute un extrait. plans? Not really. I got a lot of work to do. I was tired Saturday, I'll tell you. Yeah, I got another call coming in. I'll talk to you later. Okay. Bye. Bye. Andrea James, bon, la radio, le sonore, tout ça, ça va devenir une passion pour toi, mais j'aimerais qu'on aborde tes sources d'inspiration sur le plan sonore. Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui enclenche là, l'idée de faire un projet de création sonore? Est-ce que c'est un événement ou quelque chose de particulier où tu es inspiré par le monde des arts en général? Comment ça se passe là, quand tu crées quelque chose là? Comment ça apparaît? Ouais, je pense que la plus grande inspiration, c'est le hasard pour moi. Des choses qui arrivent de nulle part, des trucs imprévus. Je m'organise, je m'installe un système et je joue. Et le jeu, jouer avec la matière, créer. Et c'est de là qui sort l'inspiration de comment la pièce se déroule. Il n'y a jamais vraiment nécessairement un parcours exact, mais aussi le hasard, utiliser des chance operations, tirer le yiking pour te donner un plan sur comment commencer une pièce ou une direction d'essayer. Mais ça reste toujours vaste et vague d'une autre façon. Mais aussi, je suis vraiment inspirée par... J'aime créer un espace. Un espace, je le pense un peu comme un dôme qui te recouvre et que tu peux exister dans le moment que les sons se transforment et bougent alentour de toi, puis que ça peut vraiment prendre ton imagination et le tenir. C'est un peu faire du Sharawajdi, là, mais comme... soft. mais vraiment créer des environnements enveloppantes, pas mal douces. Il n'y a pas beaucoup de ruptures, il n'y a pas beaucoup de sons qui sont trop forts, qui sont trop stridents. Je reste un peu dans le rond. Mmh. En fin de compte, c'est comme si tu créais une bulle toute singulière. Tu es très Fluxus, hein? Tu es très Cage, John Cage. C'est très intéressant comme démarche. Andrea James, on poursuit l'écoute de travaux et là, on va écouter un projet de collaboration que tu as fait avec Tim Darcy, qui est un guitariste, chanteur. À l'époque, là, j'ai lu dans la documentation qu'il a fait partie de groupes post-rock, post-punk, de Constellation Records, entre autres. Et ce qu'on va entendre, c'est tiré de l'album Too Significant to Ignore, The Space Between Everything. Alors, on écoute ça, c'est une très belle pièce. Andrea Jane, ce travail de collaboration, pour toi, il est important. On vient d'entendre une pièce de Tim Darcy. Tu as travaillé avec Émilie Mouchous, avec Delphine Dora, Alison Moore, Le Fruit Vert avec Marie-Douce Saint-Jacques, là, que j'ai rencontré il y a quelques mois. C'est important pour toi, ce travail de concertation, de cohésion, de collaboration. Qu'est-ce que ça t'apporte sur le plan à la fois artistique, sur le plan humain? Sur le plan artistique, ça me fait sortir de ma bulle. C'est important de se faire un peu brasser et sortir de ses habitudes. Alors, on devient pas juste en réaction du sonore qu'on crée nous-mêmes, mais en réaction d'un sonore qui vient d'une autre personne. Et là, devient un petit dialogue. Bien sûr, Émilie Mouchous, c'est une personne super, super importante dans mon parcours. C'est avec Émilie que j'ai commencé à faire de l'improvisation. On s'est rencontrés à CKET. On a fait notre première collaboration à CKUT et de là, des années de travail ensemble pour des trucs radiophoniques. Et la même chose, Tim Darcy, rencontré à CKUT, il animait une émission et il m'a invité de venir jouer pendant qu'il faisait de la poésie. Et de là est sortie une collaboration qui a duré comme 3-4 années, dont on a collaboré sur la sortie de ce disque « Too Significant to Ignore ». C'est une belle rencontre de deux environnements différents et de trouver comment travailler ensemble, que les deux, on sortait de milieux très, très différents. Alors, c'était des heures et des heures et des heures d'improvisation pour travailler des pièces plus construites. Et de là aussi, la collaboration, c'est que la plupart de mes parutions, c'est des collaborations parce que ça me force à finir un projet. Lorsque mes compositions personnelles, ils sont plutôt donnés en performance live parce que j'ai pas besoin de les finir. Ils sont toujours en développement. Je les travaille depuis des années et j'ai de la difficulté à les mettre sur de la bande magnétique ou sur du digital parce qu'on dirait que c'est pas la même chose. L'énergie de faire de la performance, que ça soit solo ou en collaboration, c'est une autre construction de milieu, de petit espace où les énergies se rencontrent. Oui, tout à fait. Tu as évoqué Émilie Mouchous. On va écouter un travail que tu as réalisé avec Émilie. Ça s'intitule « Bubbling with Sport Cassette ». On retrouve, finalement, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on y retrouve tout l'esprit de Fluxus. Tantôt, je disais que tu étais très Fluxus. Alors, espièglerie, plaisir, on sent la complicité. Et de ce projet, écoute, on va écouter trois enchaînements des pièces Kazoo, Whistlebird et peut-être, si j'ai un peu de temps, la pièce Bobino. Alors, on écoute ça. Eh bien, vous écoutez La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL de 89.1. Gaëtan Gosselin avec vous jusqu'à 22h. Je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Alors, j'accueille ce soir l'artiste sonore, compositrice et grande passionnée de radiophonie, Andrea Jane Cornell, passionnée aussi par la musique. Elle a fait des études de communication pour basculer dans l'univers de la radio, puis de la radio à l'exploration du monde des sons. Elle a présenté ses œuvres sonores au festival HTML à Montréal, festival Signal & Noise, festival à Vancouver et bon, j'en passe de nombreux. Elle a réalisé des projets de création radio et des performances en collaboration avec de nombreux artistes, Tim Dorsey, Alison Moore, notamment Émilie Mouchous, là, qu'on entend en arrière-plan avec elle. Elle fonde avec Marie-Douce Saint-Jacques le duo sonore et musical Le Fruit Vert que je vous ai présenté il y a quelques mois maintenant. Une démarche très lumineuse. Alors sur ce, on poursuit l'écoute de l'entretien qu'Andrea Jane Cornell m'accordait avec en intro ses sonorités qu'elle a réalisées avec Émilie Mouchous. Thank you. Andrea, tu as réalisé des trames sonores pour des vidéos, je pense entre autres à la collaboration avec Alison Moore, pour une installation, ça s'intitulait Wunderkammer, quelque chose comme ça. Comment ça se passe, le processus de travail quand tu es en collaboration ou tu es peut-être plus dans le contexte de la commande, peut-être? C'est un peu plus dans le contexte de la commande, mais c'est que la commande vient de gens qui, disons, disent « Ah, j'aime vraiment cette pièce-là que tu as fait. Est-ce que tu peux faire quelque chose dans ce genre-là pour un film sur lequel je travaille? » Et bon, de là sort ces collaborations-là. Avec Alison, on s'est rencontrés quand Alison, elle avait eu une exposition fantastique à Oboro en, je sais pas, 2012, 2013 environ. Et on a développé une amitié, on a travaillé ensemble un petit peu quand j'étais à Montréal. On a fait une performance audio-video. Et Alison, son travail, c'est un travail vraiment, pas nécessairement ludique, mais il y a un playfulness dans ce qu'elle fait. Et le Wunderkammer, c'était, je pense, 35 écrans différents avec des animations qui se passaient dedans, qui a été diffusée dans l'espace de couloir de la Place des Arts. Alors, c'était de créer une pièce uniforme pour le tout, mais qui allait chercher un petit peu dans chaque cadre qu'est-ce qui se passait, mais aussi qui pouvait bien fonctionner dans un espace pas super plaisant pour l'écoute. Un espace avec beaucoup de structures ou d'éléments architecturaux durs et reflective. Alors, beaucoup de réflexion harsh sur le son. Alors, Alison, elle m'a demandé de faire ça parce qu'elle savait bien que j'allais trouver une façon de alimenter un peu le visuel, mais pas trop d'en faire. Et de là est devenue cette collaboration de Wunderkammer et qui s'est poursuivie par d'autres collaborations avec Alison pendant des années sur des projets différents que maintenant on travaille. La dernière fois qu'on a travaillé ensemble, c'était pas de la composition, mais plutôt l'organisation de fichiers de sonore pour un système qui faisait la composition de manière automatique, en choisissant dans les fichiers. C'est ça, c'est ce qui était vraiment... c'est vraiment lâcher le contrôle, là. Thank you. Andrea James, tu en as un peu parlé, mais si on avait à définir ton style, si on avait à définir ton esthétique, là, comment tu résumerais ça en quelques mots, en disant, bon, je suis... je suis l'esthétique de l'éphémère. mon esthétique, c'est vraiment d'essayer de trouver du wonderment, d'essayer de... Je ne sais pas c'est quoi en français, wonder. L'étonnement. J'essaie de m'étonner moi-même avec, et de partager cet étonnement de son. Mon esthétique est ancrée vraiment dans l'écoute et dans la construction d'environnement, super naturel, disons. J'avais prévu qu'on écoute après ta réponse un extrait tiré d'un projet qui s'intitule You Wind. You Wind, qui est un très beau projet. Et il me semble que c'est une création qui est un peu dans l'esprit que tu décris. Est-ce que j'ai raison ou si c'est un projet qui est plus... Non, c'est vraiment... Ça fonctionne très bien. C'était un projet qui a été développé pour une performance à Trois-Rivières dans l'atelier Silex. Et c'était vraiment au début de ma démarche. J'ai commencé à faire la performance solo en 2007. Alors, on n'est pas très loin, mais ça commence à... Je commence à être capable de pousser mes idées un peu plus loin puis de développer des tactiques de performance qui allaient vraiment sortir de l'environnement ordinateur parce qu'à ce moment-là, c'était vraiment beaucoup de diffusion à l'ordi. Et maintenant, je ne fais plus du tout ce genre de travail. Je travaille sans ordinateur parce que, j'aime ça toucher des boutons. Et ma plus grande source d'inspiration, c'est Iliane Radig, faire des sons qui se transforment très tranquillement pendant des durées. Et on peut faire avec l'ordi, mais c'est pas aussi satisfaisant. Très intéressant. Écoute, on va écouter un extrait de ce projet intitulé You Wind. On écoute ça. Thank you. Andrea James, pour compléter notre entretien ce matin, quels sont tes projets de recherche, de création à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y a quelque chose là, qui se profile ou tu es en période où tu explores de manière un peu libre? Comment ça se passe? Ah bon, il y a quelques petits trucs qui mijotent dans la tête, mais il y a aussi mon plus gros projet à l'instant, c'est que je suis en train de me construire un studio. Alors, je ne fais pas beaucoup de son, mais je suis en train de créer un endroit où je peux faire du son. Bien sûr, il y a le fruit vert qui mijote tranquillement un nouvel album qui va se faire enregistrer dans un temps qui vient, incertain, mais qu'on développe des trucs comme ça à l'instant. J'ai fait, il y a 2 années, j'ai fait une installation qui était basée sur des objets circulaires que j'ai présentés à Moncton, à Nouveau-Brunswick. Et là, ben, je me suis dit, on a fait le cercle. On va poursuivre avec le triangle. Alors, mon numéro préféré est le 3. J'adore la structure du triangle et je vais commencer à amasser pendant un bon bout des objets triangulaires qui sont moins communs que les objets circulaires pour éventuellement créer une autre installation avec le triangle au centre. Alors, c'est un peu ça, ce qui se passe. Et bon, bien sûr, on passe toujours du temps à écouter la radio Shortwave. Je suis basée au Maine, je suis près de l'eau, près de l'océan. Alors, la réception est toujours un peu plus forte que lorsqu'on est à l'intérieur du pays. Je m'amuse à enregistrer des moments que je trouve et j'amasse une basse de son enregistré de shortwave pour faire je ne sais pas quoi encore avec, mais à suivre. Tout à fait. C'est un parcours très, très inspirant qui combine le mystère et la joie de vivre. Andrea Jane Cornell, grand merci de m'avoir accueilli ce matin. C'était très agréable. C'est un plaisir. Ouais, salut. Alors voilà ce qui complète la croche-oreille pour ce soir sur des créations sonores de l'artiste Andrea Jane Cornell. Grand merci Andrea Jane de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres. Salutations également aux collaborateurs, collaboratrices d'Andrea Jane. Comme à l'habitude, vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site lacrocheoreille.ca ainsi que toutes les émissions pour écoute ou réécoute à votre guise. Quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h sur les ondes de CKRL 89.1 pour une autre aventure sonore. Au microphone, dans Limoilou, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.